d'arriver. Good afternoon, Toronto. You're listening to Suppression here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu, and I will be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore. I got a great show planned for you today. We got a little something special planned because tomorrow is May Day, International Workers' Day. So I'll be talking a little bit about that, playing some songs that have to do with that, that have to do with some struggles going on around the world. And I'll also hopefully have a little interview with a student activist from Quebec who will be talking to us about the student strike that's been going on there for almost 3 months now, almost 12 weeks. So stay tuned for that. It'll be a great show. C'était les esclaves salariés. Oh, pardon, c'était pas les esclaves salariés, c'était Brigada Flores Magón avec Lève-toi de leur album Ange Gardien, ici à Sous Pression, qui diffuse aux ondes sèches avec REC 105.5 FM à Toronto et le CIVA 103.5 FM à Yellowknife. On a bien commencé l'émission, une petite pète technique de ma part. En tout cas, c'est la chanson pour un peu commencer l'émission du 1er mai. C'est pas le 1er mai aujourd'hui, mais cette semaine, en fait, on marque le 1er mai, la Journée internationale des travailleuses et travailleurs. Ici à Sous Pression. Alors, on commence avec cette chanson-là. Je vais jouer des chansons qui portent un peu sur le monde du travail, le mouvement ouvrier et des luttes sociales qui se passent un peu partout dans le monde, ici au Canada et ailleurs. Et cette semaine aussi, je vais aussi faire un appel un peu plus tard dans l'émission, essayer d'avoir quelqu'un qui va venir nous parler de la grève étudiante, du mouvement étudiant qui se passe au Québec. Ça va être un peu plus tard dans l'émission, vers 3h15 environ, 3h20. Mais en attendant, je vais faire jouer d'autres musiques. Je vais vous annoncer un peu plus tard dans l'émission un événement qui va se passer à Toronto pour le 1er mai. J'espère que vous allez tout y aller. C'est une manifestation. Je vais continuer en attendant avec les esclaves salariés de leur album du Rabat. La chanson Cauchemar s'étend ici à Sous Pression. Yeah. Et vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous nous écoutez via Yellowknife, vous nous écoutez à partir du CIVR 103.5 FM. Là, je devrais avoir au téléphone Xavier Lafrance. T'es-tu là, Xavier? Oui, je suis là. OK, super. Alors, j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission, que j'ai mentionné que j'allais parler un peu du mouvement de grève au Québec en ce moment, mais pourrais-tu commencer à te présenter, par te présenter? Ben, je m'appelle Xavier, j'habite à Toronto depuis 6 ans, j'étudie en sciences politiques à l'Université York, puis j'ai été impliqué dans le mouvement étudiant québécois. J'ai été entre autres porte-parole de la CAC, qui était un peu l'ancêtre de la classe en 2005. Et voilà. OK. Alors, ben, comme tu as mentionné, tu étudies présentement à York et tu as de l'expérience dans la grève de 2005 au Québec avec la CAC. Pourrais-tu me parler juste un peu brièvement de cette expérience? Comme qu'est-ce qui s'est passé en 2005 pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas? Oui, ben il y a eu en 2004, en fait, le gouvernement avait annoncé une réforme de l'aide financière aux études, donc des prêts et bourses au Québec. Ce qui faisait la plus grosse mesure associée à ça, c'était qu'il y avait 103 millions de dollars qui étaient des bourses qui allaient devenir des prêts. Donc l'endettement étudiant allait exploser. Donc face à ça, à la C, qui est l'organisation qui était derrière la CAC, qui est derrière la classe aujourd'hui, à la C, on a lancé une campagne de grève, on a fait une escalade des moyens de pression au cours de l'année scolaire 2004-2005, et puis à la session d'hiver 2005, on a lancé une grève qui était à l'époque la plus grande grève de l'histoire du mouvement étudiant québécois, mais qui maintenant a été dépassée par celle de 2012. Quel a été le résultat un peu de la grève? Oui, ben, ce qui est arrivé en 2005, c'est qu'on a eu, on a réussi à faire reculer le gouvernement, donc pour nous, ça c'était crucial. C'était super important. On a prouvé encore une fois par une lutte collective qu'on peut défendre nos droits sociaux, qu'on peut bloquer les mesures néolibérales du gouvernement. Malheureusement, il y avait de la division dans le mouvement étudiant à ce moment-là. La FEC et la FEUC, Fédération étudiante collégiale et universitaire, avaient été négociées sans la CAC à l'époque. Okay. Et bon, ça a été un move, pardonnez-moi l'anglicisme, assez antidémocratique. Et à cause de cette division-là, ben, le gouvernement finalement avait réussi à avoir une porte de sortie et à négocier une entente à rabais avec les organisations qui finalement fonctionnaient de façon un peu moins démocratique et demandaient moins que nous ce qu'on fait demander. Ils étaient prêts à négocier une entente qui allait être moins avantageuse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis donc, il y a tout l'argent qui avait été transféré en bourse en prêt n'est pas revenu pour l'année 2004-2005 et pour l'année suivante, le remboursement était seulement partiel. Puis en plus, cet argent-là que Québec a utilisé pour les années suivantes, retourner l'argent vers les bourses, cet argent-là était venu d'Ottawa. Ça a été des transferts fédéraux. Donc, nous autres, on dit qu'on aurait pu avoir mieux que ça, mais malgré tout, on était content que le gouvernement ait reculé. OK. Alors, il y a eu des petites victoires, mais quand même des concessions. C'est ça. C'est mi-figue, mi-raisin, mais c'était quand même super important pour qu'on soit ce qu'elle allait suivre, entre autres, la grève de 2012. Et pourrais-tu nous en parler un peu de ce qui se passe en gros, au Québec en ce moment, avec pourquoi les étudiants et les étudiantes ont décidé de prendre la rue et d'aller en grève? Oui, ben là, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, l'année dernière, en 2011, le gouvernement a fait l'annonce que il y aurait déjà les frais de scolarité au Québec de 325 $ par année, donc ça serait cumulatif. Et donc, à partir de la cinquième année, on dit 5 ans, les étudiants et étudiantes au Québec paieraient normalement 1 625 $ de plus par année. Alors, c'est massif comme hausse, c'est absolument massif. Puis, donc, il y a un mouvement de grève qui a été lancé. Puis, ce que les étudiants dénoncent, c'est oui la hausse. Puis, pour beaucoup, entre autres à la classe, justement, c'est de dire que il y a ce que ça crée, c'est ça nous impose une culture d'utilisateur payeur. Donc, l'éducation devient un investissement individuel puis une marchandise qu'on achète pour pouvoir ensuite de ça, une fois qu'on en sort, se vendre plus cher sur le marché du travail. Nous, ce qu'on dit, ou ce que les gens disent à la classe, ce qu'on disait à l'époque en 2005, c'est que l'éducation, c'est un droit. Donc là, on voit la plus grande grève de l'histoire du mouvement étudiant québécois, avec encore au moment où on se parle environ 170 000, 180 000 personnes en grève, des tonnes d'actions, des manifestations, plein de choses super créatives. Et ce mouvement-là est largement contrôlé démocratiquement par la base. Donc c'est les gens en Assemblée générale qui contrôlent eux-mêmes leur mouvement, puis ils font ça parce qu'ils savent que c'est ça qui donne la force à leurs représentants, qui vont voir les médias ou le gouvernement, puis qui disent, nous, là, c'est pas seulement nos idées là, qu'on a décidé en réunion d'exécutif à 5-6. Là. C'est les idées qui sont défendues par 180 000 personnes qui sont en grève qu'on vous présente. Donc, il faut que vous pliez face à ça. Tu viens juste de parler un peu du fonctionnement démocratique du mouvement. Mais je sais que la classe et la FEC et la FEUC travaillent un peu plus ensemble et en solidarité avec l'un et l'autre cette fois-ci. As-tu la chance d'aller à Montréal ou ailleurs qu'au Québec pour assister à des manifestations et pourrais-tu nous parler un peu des différences et des semblances qu'il y a entre 2012 et 2005? Ouais. D'abord, oui, j'ai été 5 fois. J'étais là, entre autres, la grande manif là, du 22 mars où il y avait environ 200 000 personnes. Mm-hmm. C'est absolument massif, une énergie incroyable. On sent que les gens sont super motivés puis pas du tout résignés là, face à ça. Là. Puis c'est pour ça que la ténacité du mouvement est vraiment incroyable puis dure encore après 12 semaines. Là. C'est absolument incroyable. Là. C'est de loin plus long que celle de 2005 qui avait duré 7 semaines. La grande différence aussi, c'est qu'en 2005, il y avait la frange la plus démocratique, la combative, qui était représentée par la CAC, était pas aussi prééminente, pas aussi importante dans le mouvement. La CAC était très importante au sens où on représentait 65 000 personnes, environ le tiers du mouvement, mais là, à la classe, c'est plus que 80 000. Là. C'est en fait beaucoup plus, là, maintenant, j'ai pas le chiffre exact, mais je représente 47 % des gens qui sont en grève. Là. Ce qui fait que, là, vraiment, l'organisation dit cette grève-là va se régler de façon démocratique. C'est-à-dire que c'est les gens de l'Assemblée générale qui vont la contrôler puis qui vont décider si elle arrête ou elle se poursuit, etc. Puis qui vont dire aux gens qui vont négocier quoi faire et ne pas faire. Elle domine, là. C'est la classe qui est vraiment la plus importante. Ce qui fait en sorte que, là, les associations de la FEC puis de la FEC peuvent pas simplement les négocier avec le gouvernement puis faire une entente arabe comme ça a été fait en 2005. Puis ça, je pense qu'ils l'ont bien compris parce qu'entre autres, en 2005, il y avait plein de gens qui, dans les Assemblées générales, avaient dénoncé ce geste-là d'aller négocier ça. Donc, le contexte a changé. Et comme je mentionnais plus tôt dans l'émission, je fête en fait un peu le 1er mai, ici, cette semaine à l'émission, le 1er mai, c'est cette semaine. Et je sais qu'à quelques reprises, des grévistes étudiants ont tenté de démontrer leur solidarité avec des ouvriers qui sont en lockout à Alma, je crois. Pourrais-tu un peu nous parler des liens qui existent, selon toi, entre le mouvement étudiant et le mouvement syndical? Ben, d'abord, il y a encore une fois le discours de la classe qui est plus clair là-dessus, qui dit... Notre lutte, c'est une lutte du mouvement étudiant, mais dans le fond, elle est sociale, puis elle est populaire, cette lutte-là. Donc, c'est la lutte, évidemment, contre le dégel des frais de scolarité, mais ça ressemble à celle contre la privatisation en santé. Ça ressemble à la lutte aussi des chômeurs, des travailleurs qui vont avoir des conditions de travail qui sont correctes, etc. Donc, c'est vraiment une lutte sociale qui dépasse le mouvement étudiant, contre les politiques néolibérales, puis contre la logique du capital, qui transporte tout dans la marchandise, puis essaie de l'exploiter les travailleurs toujours plus depuis 30-40 ans à travers le monde. Donc ça, c'est le discours, mais dans les faits, effectivement, il y a eu un congrès de la classe qui s'est tenu à Alma justement pour aller participer à une marche dans les rues de la ville pour appuyer les grévistes de Rio Tinto. Il y a eu aussi des actions avec les travailleurs d'Aveos à Montréal où est-ce que... Allô? Allô, t'es-tu là? Okay. Comment? Ok, excuse, ça a coupé pendant une seconde, là. Oui, je suis toujours là. donc, il y a eu ces actions-là. Il y a une tentative. Le problème, c'est qu'au sommet des organisations syndicales, la CSN, la FTQ, puis tout ça, la réponse n'est pas aussi bonne qu'on pourrait l'espérer, mais à la base, il y a eu plein de professeurs aussi, donc des travailleurs qui essayent de faire des mouvements d'appui. Il y a plein de choses comme ça qui pop-up un peu partout à travers la province de la base pour essayer de dire que la lutte, dans le fond, là, elle doit unir les étudiants, les étudiantes, puis les travailleurs, les travailleuses. Est-ce que les centrales syndicales comme la FTQ et la CSN ont montré, ont exprimé leur solidarité avec le mouvement? Oui, mais en parole, trop souvent, juste simplement en parole. Donc, il y a eu des conférences de presse, puis c'est bien, puis il en faut, etc. Puis bon, même des lettres ouvertes et tout ça. Là, un truc plus intéressant, justement, pour le 1er mai, qui est demain, je me trompe pas. Donc, c'est ça, c'est demain. Il va y avoir la CSN là, a décidé d'appeler à une journée d'appui à la lutte étudiante, donc d'axer un peu son 1er mai autour de ça. Ça, c'est très bien. Et puis de dire on va faire une grève symbolique, ils disent, une grève sociale symbolique, puis capitage symbolique pour appuyer les étudiants. Le problème avec ça, c'est que ça demeure symbolique, alors que la CSN, justement, a un mandat de réflexion sur la grève sociale. Donc, de faire une journée de grève qui serait illégale, mais qui serait sociale. C'est-à-dire, ils sont pas en négociation de convention collective, mais on sort quand même une journée parce que c'est important de le faire. Puis, ce mandat-là a été, je veux dire, si c'était le temps de réfléchir à ce mandat-là puis de le mettre en action pour la CSN, c'est maintenant ou jamais. Malheureusement, ça n'aura pas été fait. Donc, il y a des signes encourageants, mais beaucoup trop limités. OK. En parlant de manif et de solidarité, il y a eu, jeudi passé, ici à Toronto, une manif, un règlement, que, si je ne me trompe pas, tu as aidé à organiser ça ou tu étais parmi ceux qui ont parlé. Tu as parlé un peu de le lien entre la lutte étudiante au Québec, le mouvement syndical en général, mais comment est-ce que la lutte contre les frais de scolarité les frais de scolarité au Québec affecte les étudiants et les étudiantes ici en Ontario ou ailleurs qu'au Canada? C'est quoi le lien? Mais de différentes façons. Un qui me vient en tête tout de suite, c'est de dire, c'est un peu comme dans le mouvement syndical, le mouvement des travailleurs, où est-ce que il y a souvent, par exemple, au Canada, ça a été ou en Ontario, l'industrie automobile, qui était un petit peu le moteur des conditions de travail pour l'ensemble de la classe, des travailleurs, des travailleuses. C'est-à-dire que ils luttent, ils ont les meilleures conditions de travail, puis ça lève les conditions de travail d'un peu tout le monde, dans leur secteur directement, mais même dans les autres secteurs industriels, puis dans l'ensemble, pour l'ensemble des travailleurs, des travailleuses. Parce que les autres peuvent aller négocier, puis dire, ben regardez, là, nous, ils ont ça comme avantage, on va l'avoir. Bon. Un peu de la même façon, le Québec s'est battu pendant les 40 dernières années, depuis, entre autres, la grève, là, la première grève générale de 68 étudiantes. Puis, à l'éducation au Québec, ou en tout cas de le préserver tant bien que mal, ce qui fait qu'on paye encore pas mal moins cher, qu'on a encore un système de prêts et bourses qui a plus de bon sens que ce qu'en Ontario, malgré tous les problèmes qui existent encore. Fait que, ne serait-ce que ça permet effectivement de dire aux gens dans l'Ontario, entre autres, regardez au Québec, là, ils payent moins cher, puis c'est parce qu'ils se sont battus. Donc, déjà ça, c'est important. Mais c'est important aussi parce que, moi, je pense que les gens d'Ontario peuvent apprendre, puis les mouvements étudiants peuvent apprendre de ce qui se passe au Québec, puis il n'y a rien de magique dans ce qu'il faut au Québec. C'est juste qu'on s'organise de façon démocratique, puis combative. À la base, il y a un réseau de militants et militantes qui fait vivre une tradition depuis 40 ans d'assemblée générale où est-ce que les gens peuvent aller s'impliquer, de comités de mobilisation, etc. Puis qui se rappellent que en 68, 74, 78, 86, 88, 90, 96 et 2005, on a eu des grèves, puis qu'à chaque fois, on est capable de réactiver cette tradition de lutte-là. En Ontario, on l'a oublié, mais c'est pas parce que c'est impossible. C'est tout à fait possible de s'organiser de la même façon puis de lutter. Oui, ben c'est ça répond un peu à ma prochaine question, c'est pourquoi au Québec et pas en Ontario? Moi j'ai un petit peu de misère avec les éducations purement culturelles là. Au Québec, on aurait une culture plus solidaire puis tout ça. Il y a une part de vérité là-dedans. Là, on a effectivement on est une culture distincte, puis il a fallu se battre pour préserver donc le fait français puis des choses comme notre culture. Dans une mer d'anglophones en Amérique du Nord, tu sais. Fait que le nationalisme a pu être dans les années 60 puis 70 un vecteur de résistance. C'est la classe ouvrière au Québec a pu se dire, construire une résistance encore plus forte du fait qu'on avait conscience d'être exploité puis oppressé non seulement comme travailleur mais aussi comme Québécois puis victime de racisme sur nos lieux de travail puis à l'extérieur aussi. Donc ça est un vecteur, puis ça a fait qu'au Québec, on avait les chiffres records avec l'Italie ou la France à la fin des années 60-70 en termes de lutte ouvrière, etc. Puis ça a créé toute cette tradition-là dont je parlais tantôt, entre autres en mouvement étudiant en parallèle, mais aussi en mouvement syndical. Ça a été perdu largement dans le mouvement syndical, puis dans le mouvement étudiant, on a réussi à le préserver. Donc c'est vrai qu'il y a donc des différences culturelles, puis il y a une différence de tradition. Mais en même temps, le nationalisme a pu servir dans les années 90 au Parti québécois, entre autres, à faire un bloc nationaliste. Où est-ce que Lucien Bouchard, qui était premier ministre et chef du PQ à l'époque, avait invité les centrales syndicales à rubber stamper, si tu veux, des mesures très néolibérales. Fait que c'est à double tranchant. Fait que ça explique pas tout, ça. C'est ça que j'essaie de dire, tu sais, la culture nationaliste ou solidaire là, nationale au Québec. Là. Vraiment. D'après moi, c'est surtout le travail à la base de militants et de militantes qui ont toujours essayé de préserver cette culture-là, qui est pas dans les gènes là, tu sais, des Québécois. Là. Il faut se battre pour la préserver et la réactiver. OK. Et qu'est-ce que... Excuse, je voulais pas te couper. T'avais-tu fini ou... Comment? Oh non, excuse, je pensais que je t'avais coupé la parole. Non, non, j'ai fini, je suis désolé. Oui. OK. Alors, qu'est-ce que les gens à l'extérieur du Québec, comme aussi en Ontario ou à Toronto, ou même territoire du Nord-Ouest, pourraient faire pour aider le mouvement étudiant au Québec? Ben, montrer de la solidarité, faites des rassemblements. Nous, on a fait, on était 70, il pleuvait, on avoir 70 personnes, on a fait une pétition, il y a plein d'organisations syndicales puis étudiantes qui ont signé notre pétition. Faire la même chose dans les autres provinces, faire des rassemblements devant différents buildings symboliques, là, idéalement qui ont un lien avec Québec, là, que ce soit des entreprises privées québécoises ou Hydro-Québec, whatever, là. Puis de manifester, mais donc c'est important de le faire, d'écrire des lettres ouvertes, Mais le plus important, en fait, là, en fin de compte, là, c'est d'essayer de construire puis de reconstruire un mouvement qui serait combatif à l'extérieur du Québec pour que, quand les gens au Québec partent en grève, ils arrêtent de se faire dire « Mais regardez, les autres provinces canadiennes, ils payent plus cher. Ouais. » Si on s'organisait ailleurs au Canada, puis on est capable de le faire, encore une fois, puis qu'on réussissait à faire des gains en termes d'éducation, puis ailleurs, par ailleurs, dans d'autres domaines aussi sociaux, en Ontario, puis dans les autres provinces canadiennes, ben ça enlèverait un petit peu de pression sur le mouvement étudiant québécois, puis on pourrait servir des exemples, puis s'en inspirer ensemble, puis être solidaire ensemble. Puis il y a moyen de le faire. OK, bien merci beaucoup. C'est toutes les questions que j'avais préparées. T'as-tu des derniers mots ou un dernier mot? Non, je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça a fait pas mal de tours, mais encore une fois, de répéter que la lutte est possible ici, puis même nécessaire. OK, bien merci beaucoup, Xavier, puis on s'en reparlera peut-être à l'avenir. OK. J'entends mal, mais en tout cas, ça fait plaisir, puis... Bon 1er mai à tout le monde demain. OK, merci. Bon 1er mai à toi aussi. OK, ciao. Bye. Alors, on va continuer avec une chanson de Beruge Noir, Coup d'État de la jeunesse, sortie sur album Invisible, qui a enregistré 2006, chanson un peu à propos de la grève étudiante qui s'est passée en France dans cette année-là. Voici Beru aux ondes de suppression. De la jeunesse de leur album Invisible ici à Sous Pression. On vient d'avoir une entrevue avec Xavier Lafrance, ancien porte-parole de la CAC et militant du mouvement étudiant au Québec lors de la grève de 2005. Alors, merci à Xavier de nous avoir accordé l'entrevue, de nous avoir parlé un peu de ce qui se passe au Québec, de la perspective de quelqu'un avec l'expérience et quelqu'un qui a pu assister à une manifestation en ce moment, qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Alors, on est à mi-chemin, plus ou moins. Je vous rappelle que l'émission a un site web, si vous voulez réécouter, ou si jamais vous manquez une émission une semaine, vous pouvez écouter l'émission sous pression à partir du site web. C'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. On met aussi en ligne les liens vers des sites intéressants et la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Alors, si vous entendez une chanson, vous l'aimez et vous voulez savoir comment elle s'appelle, allez voir le site web. On a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission et vous tenir un peu à jour avec ce qui se passe à sous-pression. Et si vous voulez nous contacter, courriel sous-pression@chry.fm. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, ou si vous faites partie d'un groupe, vous voulez partager votre musique, contactez-nous et ça nous fera plaisir de jaser. Alors, avant de continuer la musique, je veux rappeler qu'il y a des événements. Si vous êtes à Toronto pour le 1er mai, qui est demain, et je m'excuse à tous ceux et celles qui sont à Yellowknife en ce moment, parce que vous allez entendre l'émission deux jours après le 1er mai, alors le 3. Si vous êtes à Toronto, demain, pour le 1er mai, il y a une manifestation qui se passe en face, qui débute en face de l'hôtel de ville à 16h, alors 4h d'après-midi, si vous voulez vous rendre là, participer à la manifestation, c'est organisé par le groupe No One Is Illegal, alors personne n'est illégal, et aussi plusieurs de leurs alliés. Alors, ça sera une bonne manifestation. J'ai eu la chance d'y aller dans les deux dernières années. Les manifs organisées par personne n'est illégal. C'est très fait. Il y a beaucoup une atmosphère de fête, une atmosphère aussi de lutte. Alors, ça sera très intéressant d'y aller. Ça commence à 16h à l'hôtel de ville, Nathan Phillips Square, ici à Toronto, en fait, entre c'est like a Queen, entre University et Yonge. Alors, soyez en grand nombre, ça va être super. Et avec ça, on continue la musique. La Gâchette, j'ai beaucoup fait jouer leur plus récent album dans les dernières semaines. Je vais faire jouer quelque chose d'un album sorti un peu plus longtemps, la chanson de l'album Ne renoncera pas, le huitième morceau de cet album-là, la chanson Unité. Alors, Unité par La Gâchette, ici, à Sous Pression. Unité, dans ma vie, dans ma vie, tout seul. Une fois unis, rien ne pourra c'était répondu, mais c'est toi qui fais mal. Mais on va faire croire, tu nous mets la pression. Tu joues de tes menaces pour attendre la production. Tu ne pas comme on vit, mais tu l'as bien compris. Tu resteras si tu parles la plus loin de hiérarchie. Insoumis, tu le resteras à vie. Insoumis, mais c'est ce fait droit pour elle. Insoumis, fidèle à ta liberté. Insoumis, tu n'es pas allé me taire. Avec la chanson Travailleur dans leur album La Nuit des Longs Billets, ici à Sous Pression, et notre temps ensemble sera malheureusement à sa fin. On est là pour une dernière chanson, mais avant ça, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a écouté dans les derniers blocs. Alors, on a commencé avec La Gâchette ne renoncera pas, la chanson Unité. Écoutez, j'ai la misère aujourd'hui, c'est peut-être parce que je me suis levé à 5h ce matin. Jeanne Patrick, d'après ça, avec Cœur de la Ville, l'album L'Arme au Point, Flixide avec Patron, Gabaston avec la chanson Camilla, leur album Lucha y Fiesta, leur petit hommage à tous ceux et celles, les réfugiés, les sans-papiers qui font face à la répression de l'État et un hommage à leur lutte. L'Escalope après ça avec Debout, l'album Yavendra Mitourno, et je crois qu'il en reste seulement un concert avec l'Escalope au mois de mai. Je vais vous dire le 18, mais je me trompe peut-être. Les Parias, comme je disais, on vient d'entendre, Les Parias, la chanson Travers, La Nuit des Longs Billets. Et je vous rappelle maintenant que j'exige que vous assistez à la manifestation qui aura lieu, si vous êtes à Toronto, bien sûr, ou dans la région du sud de l'Ontario, assister à la manifestation qui va avoir lieu le 1er mai à 16h, qui commence à 16h, à l'Hôtel de Ville. Pour marquer le 1er mai de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs organisée par No One is Illegal, c'est-à-dire la personne n'est illégale. Alors, c'est ça, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais vous laisser avec une dernière chanson, avec un petit caractère historique, la chanson de Corgan Fest de leur album La Victoire en chantant. Je vais faire jouer la chanson du même titre, La Victoire en chantant. C'est un hommage au bataillon Mackenzie Papineau qui a lutté contre la dictature de Francisco Franco en Espagne, des Canadiens qui sont allés se battre contre le fascisme de 1936 à 1939. Et la rencontre d'une fête leur a fait un petit hommage, la chanson de Victoire en chantant. Je vous laisse avec cette chanson-là. Passez un excellent 1er mai. Si vous êtes à l'extérieur de Toronto, cherchez un peu, voir si des événements qui se passent. Sinon, organisez un événement pour l'année prochaine. Joyeux 1er mai, on se revoit la semaine prochaine. Par-delà l'océan, au pied des Pyrénées.